son mystère. Le son mystère. Glou. Glou. Glou. Le son mystère. Alors, le son mystère, c'était la deuxième partie du jingle, qui était mélangé. Donc, si vous avez, les auditeurs à la maison, si vous avez reconnu, vous avez une idée, même approximative, de ce que ce son représente, vous pouvez appeler le call center de Archie Radio au 078 244 57 54. Pour devenir l'heureuse ou heureux ou heureux gagnant du plat du jour du festival et de l'entrée pour les diffusions et le concert de Pierre Bastien et Louis Laurent ce soir. Est-ce que Cédric, toi, t'as entendu le son mystère? Mais non, parce que je dois me brancher sur l'ordinateur et vous allez entendre le son là-bas, en fait. Ah oui, non, mais tu n'as pas entendu ce qu'on a diffusé là comme son mystère? Non. Ah ok, non, donc on ne peut pas te demander, en attendant le délai du streaming, pour que le millier d'appels vont tomber sur le call center comme ça, toi. Et est-ce qu'ici, quelqu'un dans le studio a une idée de qu'est-ce que ça peut être, ce son mystérieux? Mélia. On aurait dit une sorte de crépitement, un peu de feu, quelque chose de boisé, en même temps qui croustille, quoi. Pas trop d'idées, en fait. Oui, c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait penser un peu à ça, un peu un petit feu, un crépitement. Doris, est-ce que t'as entendu le son mystère? J'ai entendu, mais je sais vraiment pas ce que c'est, mais je crois aussi que c'est un truc, on dirait un peu... Un rongeur comme ça qui mange quelque chose, ou quelqu'un qui mange des Kellogg's le matin ou un truc comme ça. Un plongeur? Un rongeur. Un rongeur, ah oui, oui. Un rongeur qui, ouais, un rongeur qui mange les complexes de ouais, la cuisine, voilà, le matin. Voilà. Donc, bah, si on n'a pas d'appel, hein, on va délivrer le secret de son mystère. C'est une clémentine qui se fait peler la tronche. Voilà. Donc le son mystère nous avait été proposé par Gabriel Valchev. Et puis c'est là qu'on apprend que les clémentines ont des tronches. Ont des tronches et ont quand même du bruit quand on lève la peau. Voilà. Je crois que ça a été enregistré juste avec un téléphone portable. Hein. Exactement, ouais. Oui. Comme quoi on peut faire de l'ASMR à peu de frais. Exactement.